encore ce délicat. Je me suis englouti dans une méditation, perdant le fil de temps. Nous poursuivons une pensée. Ok, que le Seigneur nous accorde sa grâce ce soir. Veillons nous mettre debout pour la prière. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, en l'effet de mon cœur, tout incrédulité, aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tout incrédulité. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tout incrédulité. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tant incrédulité. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tant incrédulité. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous voici si brisés devant toi. Toi, le maître des temps et des circonstances. Dieu qui maîtrise tout dans l'univers, qui connaît les détails de nos vies, le mouvement de chaque pas. Chaque seconde, tu la maîtrises pour chacun de nous, le humains. Et il nous arrive que le temps nous échappe. Père de miséricorde, aie pitié de nous. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et bénis cette réunion. Tu en connais le contenu. Et tu connais le pourquoi de chaque chose. Et tu fais toutes choses à merveille. Comme il est écrit sur la vérité, Dieu fait tout à merveille. Et tu as déclaré dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela n'est pas écrit pour nous divertir, mais ceci est écrit pour nous édifier, que quand les épreuves viendront, des situations inexplicables, nous sachions trouver réconfort auprès de toi seul. Tu es notre lumière qui nous éclaire là où nous ne saisissons pas. Tu es la force imbattable, le soutien des âmes sincères. Du fond de cœur, nous réclamons plus d'humilité. Encore la puissance d'en haut qu'elle communie avec nous, loin de tout formalisme d'église. Car nous voulons le surnaturel dans la salle. Non pas la formalité. Non pas des programmes formaliste. Mais nous voulons le Saint-Esprit dans la scène. Nous voulons l'inspiration du Seigneur. Que Dieu traite avec nous à sa manière. Dispose nos cœurs et nos pensées à nous humilier devant ta volonté et à nous conformer à ta volonté, à marcher de manière à te plaire, toi, non pas à plaire à nos passés, plaire à nos sentiments, plaire à la chair. Nous voulons plaire au Saint-Esprit. Oh Dieu, le ciel qui avait retenu l'avion lorsque ton prophète Branham devait accomplir une mission, l'avion est resté immobilisé plus de deux heures. Cela paraissait un désordre, mais c'était la conduite du Saint-Esprit. Tu es le même Dieu jusqu'à présent, Seigneur. Apprends-nous à saisir ta volonté. Oh Seigneur, aie pitié de nos cœurs, nos pauvres cœurs limités. Père, et conduis cette prédication jusqu'à la fin, afin que la profonde inspiration de Dieu saisisse les âmes, que la vie qu'il y a dans ça produise le résultat, car c'est pour toi que nous souffrons, c'est pour toi que nous sommes indexés, c'est pour toi que nous combattons, et c'est pour ta cause que nous persistons. Exauce-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains au chapitre 15, le verset 20 à 22. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Zambi posa nangai ezali eti. Nasa kola sangomalamu nabisika na nokombo na kliso iyokanite. Eti na tongali kolo na moboko ya moto mususute. Lokole komami eti. Ba oyo ba elisami mpo na ye te ba komona ye. Mpe ba oyo ba yoki nano te ba kososola. Yango wana napikisami mbala mingi ete na koma epai na bino te. 2 Corinthiens chapitre 10. Mukanda ya mibale na ba Korintio mukapo ya zomi. Verset 12. Mulongo ya zomi na mibale. 18. Ino zomi na mwambi. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans les domaines des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ne awa ezali bango komi pima kampe bongo penza pe komi mekaka bobele kati na bango moko bazangi mayele. Nde biso to komi kumisaka na koleka molelote. Kasi mpela moko na ipimelo etiami na biso na nzambe ete tokoma epai na bino. Tozali nde komi bendaka biso penza bokonzi na biso te. Lokola soki bokonzi na biso ekomi kino bino te. Mpo ete tozalaki bato na liboso koya na bino kati na sang malamu na Kristo. Tozalende komi kumisaka na koleka molelo te pona misala na bato mususu nde elika na biso ezali ete awa ekokola kako ndima na bino biso tozwa esika monene kati na bino ata tokoleka molelo na biso te boye tokokumba sango malamu na mokili moleki bino tokokumisa kate na misala na misala mikati na esika ya moto mosusu nde tika ete ye oyo azali komikumisa amikumisa kati na nkolo nzambi moto oyo akomikumisaka ye moko akoyamba mate kasi ye oyo nkolo akokumisaka Matthieu chapitre 6 verset 9 et 10 Matayi mokapo ya motoba mulongo ya libwa pe ya zoni. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bino bokobonde la boye ete, tata na biso oyo azali na likolo, kombo na yo ezala monsantu. Tika bokonzi na yo eya, tika bokano na yo esalema na nse mpela moko na likolo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons partager les morceaux de pain. Et pour nous, c'est le pain de vie éternelle. Et c'est un sujet de gloire pour notre foi que de nous rencontrer face à face avec la parole de vérité. D'entrer dans la présence du Seigneur. Tirer le meilleur profit de cela. Vous savez, lorsque vous vivez dans la présence du Seigneur, là, il n'y a pas des ennuis. Il n'y a pas de troubles. Tout est agréable. Quand vous êtes dans la présence de Dieu. Mais lorsque vous êtes en dehors de la présence de Dieu, que votre esprit s'abat. Ce trouble et se questionne et on a des maux de tête et des fois. Mais quand on veut plaire au Seigneur, une compréhension vient. Regardez ceci. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. C'est notre pensée de méditation ce soir. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Dieu veut qu'il en soit ici. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Bon, quelqu'un peut dire, oh, mais frère David, c'est quoi? Pourquoi vous dites ça? Vous commencez à devenir fou ou quoi? Je ne pense pas que c'est la folie. Mais je voudrais que chacun retienne ça. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Et ceci est une parole inspirée du Seigneur. Que chacun de nous doit comprendre. Qu'il doit saisir. Et qu'il doit comprendre les contours et les profondeurs. Est-ce que chacun de nous peut dire la même chose? Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. L'église est un rassemblement d'hommes. Mais vous savez, les hommes sont comparables à des arbres dans la Bible. La Bible a dit dans le psaume 1 que heureux l'homme qui craint l'éternel, qui ne marche pas selon les conseils des méchants et des choses comme ça. Mais au sujet des arbres, Dieu a dit, Matthieu 15, verset 13, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Que ce soit un individu ou un groupe d'individus. Il faut que ce soit le Père Céleste qui plante. Que ce soit un individu ou un rassemblement d'hommes. Comme le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça ne doit pas se faire par l'intention d'un homme. Par la volonté d'un homme. Ça doit être la volonté du Père Céleste. Quand ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Quand ce n'est pas lui, ça n'a pas de lendemain. Quand ce n'est pas lui, c'est inutile. Quand ce n'est pas lui, c'est peine perdue. Il faut que ce soit lui. Ça doit être lui. Ça doit être sa volonté. Pour qu'une église commence. Pour qu'une église naisse. Pour qu'une assemblée se forme. Ça doit être sa volonté. Non pas l'intention de l'homme. Il est dit ceci dans Matthieu 3 au verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Un prophète avait dit. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui qu'il soit. L'avertissement du Seigneur est déjà là. La menace du Seigneur est déjà là. Son jugement vient. Alors tout arbre, où qu'il soit planté, qui ne produit pas de bons fruits, cet arbre-là sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est l'évangile prêché par Jean-Baptiste. Le grand prophète de l'époque. Jésus-Christ qui est venu juste après lui et que lui Jean avait présenté. Il a dit ce que nous avons lu dans Matthieu 15 au verset 13. Laissez-les. Les pharisiens qui s'achoppent devant la vérité. C'est scandaliste d'entendre les paroles de l'évangile. Il commence à murmurer, il bouge de tout. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, et le conducteur et le conduit, et le soi-disant berger et la brebis, tous deux tomberont dans la fosse. Dans la mort. Loin de Dieu. Il n'y aura pas de Dieu éternel. Il nous faut avoir des conducteurs éclairés. Des conducteurs qui voient. Des conducteurs spirituels. Chacun de nous a le droit de se laisser conduire comme cela, car telle est la volonté de Dieu dans la Bible. Dieu ne veut pas que ses enfants soient conduits aveuglément. Mais il est écrit que ta parole est une lampe à mon pied. Et ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est cette parole que nous aimons écouter. C'est cette parole que nous aimons croire. Que nous aimons recevoir. Et soutenir. Qu'elle soit lumière sur notre chemin. Dieu ne veut pas que ses enfants soient conduits aveuglément. Dieu veut que ses enfants soient conduits clairement. En lumière. Et même si leurs yeux ne voyaient pas, il dira, heureux sont vos yeux. Car ils voient. S'ils ne voyaient pas, Dieu fera quelque chose pour que ces yeux-là qui ne voyaient pas, voient. Non pas voir selon les hommes, mais voir selon Dieu. Et l'apôtre Paul a prié dans le même sens pour l'église. Ephésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tout ça, vous devez le voir clairement. Il faut que ça vous soit révélé. Que Dieu vous le fasse connaître. Il ne faut pas que pendant que Dieu a un plan si merveilleux pour les siens, que quelqu'un d'entre nous tolère d'être connu aveuglément comme des moutons sur l'abattoir. Comme des perdus vers l'enfer. Dieu qui est amour ne veut pas être de nous. Dans la volonté de Dieu, il veut que tous soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Telle est la volonté de Dieu pour chacun. Mais s'il y a quelqu'un qui va vouloir se perdre, parce que lui-même ne veut pas voir clair, ça ne sera jamais la faute de Dieu. Ce sera sa propre faute. Que Dieu nous aide à ne pas tomber si bas. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous pressons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous pressons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Qui dit amen à la vérité. Nous l'avons cité dimanche dans la prédication. Mais voici être lu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Écoutez, Dieu veut conduire ses enfants avec clairvoyance. Avec lumière anticipée. Dans un chemin éclairé. Il sait où il examine. Et par sa parole, il leur fait connaître ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Mais qui veut que les gens soient aveuglés par rapport à ça? L'Écriture répond là, le Dieu de cet âge mauvais. Il y a un Dieu autre que Jésus-Christ. Il y a un Dieu autre que le Créateur des cieux et de la terre. Il veut se faire adorer dans le monde mauvais ici. Et il veut aveugler les gens. Face à l'évangile de lumière, pour les entraîner par les ténèbres droit vers la perdition. Écoutez, Paul poursuit dans 2 Corinthiens 4. Pour montrer que Dieu aime nous distinguer. C'est pas sa volonté de nous voir perdus. Mais il soutient ceux qui lui offrent sa, leur foi. Ceux qui lui offrent leur confiance. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera, dit Saint-Étienne, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Non pas les ténèbres, mais il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Oui, avec les ténèbres, on voit. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour être ensemble, on a l'obtient de tika moi et engenga kati na molili. Yewanande asiri kongenga kati na mitema na biso ete apese biso pole na ba boyabi na tembo na nzambe kati na elongi na kristo. L'homme maturera existe encore. Zambe yango moko moko na zambe. Dieu dont Paul parle, celui dont Branham a parlé. Zambe Paul lo bato Branham mpe alobeli. Donc Dieu là existe jusqu'à ces jours. Zambe yango asali kino mokola lelo boyi. Nous pouvons chanter avec joie, ils viennent de l'est et de l'ouest. Tukoki koyemba na esengote ya uti. Il vient de l'est d'ouest, il vient de lointain pays, fêtez avec le roi, fêtez avec le roi, comme ses convives, auquel pèlerin béni. Contemplant son saint visage, brillant, brillant, éclat divin. Oh, Père céleste, Père de sainte grâce, joyeux, brillant de sa couronne. Mon cœur est heureux depuis, il fut un moment que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus les poids des soucis, son jour ici pour moi. Oh mon âme était noire. Oh, mais les ténèbres ont fui. Maintenant, j'ai créé avec toi, car Jésus m'a libéré. Est-ce que tu es libéré? Je suis libéré, papa, mon amour. Est-ce que tu te sens réellement libéré? D'une emprise de soucis. D'une emprise de ténèbres. D'une emprise de doutes. De l'influence de ce circonstance. Le Christ est le rédempteur. Il est la lumière du monde. Il est le vivant. Il est ressuscité d'entraînement. Il est l'immuable qui ne change pas. Il est le soutien des nécessiteux. Il libère les âmes jusqu'à présent. Si ta liberté est incertaine, il y a encore la place. De tout fardeau de soucis. Mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le poids des soucis. Je ne porte plus le poids des soucis. Son jour est si doux pour moi. Oh mon âme est noire comme lui. La Bible, si le Fils vous affranchit, amen. Vous serez réellement libre. Liberté intégrale en toutes choses, à tous égards, dans chaque domaine. en tout lieu, l'hypercel total, Jésus-Christ la porte. Namakambu manso, nabipay nyonso, nabisika nyonso, bonsomi na mobimba. C'est celui qui croit des amens. Voyons, animiens moi le bête, c'est le bobe de bongo. Comme a dit Josué, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Ne donne plus gloire au monde, à l'incrédulité. Ne donne pas gloire au démon. Ne donne pas gloire à ta maladie. Ne donne pas gloire à tes épreuves. Donne gloire à Dieu. Glorifie le Dieu de ta vie. Il connaît le sentier où il te conduit. Il est le Dieu des lumières véritables. Il ne faillit jamais. Sa parole réussira toujours. Son soutien est le meilleur qu'il y a. Que Dieu bénisse ta foi. Il ne veut pas que nous soyons conduits aveuglément. Il veut que nous soyons conduits clairvoyamment. Il vous illumine. Les yeux de votre cœur. Et le même Dieu qui avait dit que la lumière soit. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vastes terres, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Croyez-vous que notre Dieu est la grande puissance? Pour nous, ce ne sont pas les États-Unis la grande puissance. Ce n'est pas la Russie la grande puissance. Ce n'est pas la Chine la grande puissance. Ce n'est pas l'Afrique la grande puissance de demain. La reine décide. Et la grande puissance de demain. Pour nous, bon abisso, c'est Dieu lui-même. L'auteur de lumière ne faillit pas. Qui a fait briller la lumière au commencement. Il est le même qui a donné la promesse. Il est fidèle à sa promesse. Nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu la lumière du soir. Et cette grande puissance, Dieu la veut dans nos cœurs. Brillant avec la même efficacité. Quand il a placé cette lumière dans le cœur de William Branham, il a brillé par lui pour éclairer toute la terre. Et quand maintenant il place la même lumière dans le cœur des fils de Dieu, le monde doit se sentir tellement dérangé par ces lumières qu'ils ne supporteront plus notre présence. Ils voudront nous voir être enlevés au ciel. Église, réparatoire du sommeil. Dieu t'a équipé. Maintenant, n'aie pas conscience. Comme disait Frère Branham, en déplorant avec regret, l'Église vit encore en dessous de ses privilèges. Dieu a déjà disponibilité de beaucoup, mais nous sommes sous-équipés. Nous paraissons de minis. Nous paraissons de clochards. Personne ne veut venir. Alors que nous avons le Dieu créateur. Le grand Shiloh. Le successeur de tout. Il ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. J'ai ou lui. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 1? L'Éternel est mon berger. J'ai ou lui, il ne manque rien. Toi, tu récites ce verset là comme un perroquet. Okay? Et dans la réalité des choses, tu récites ça pour, de cette manière ici. Le Seigneur est mon berger, il ne manquera de rien. C'est ça, Si vous faites ça, la réalité des choses dans ta vie. Si tu continues à confesser indéfiniment un Dieu qui pourvoit à tout, un Dieu qui a tout, mais jour après jour, en réalité tu manques de tout. En réalité, c'est ça. Mais tu dis, j'ai la foi. J'ai toujours la foi. Mon Dieu ne manque de rien. Est-ce qu'on t'a appris que c'est ton Dieu qui ne doit manquer de rien? Ou c'est toi qui ne dois manquer de rien? Il faut que ce verset devienne une réalité dans ta vie. Que ça devienne ton langage, ton témoignage, ton expérience. Que ça devienne ta défense. Je ne manquerai de rien. Pendant que tu le confesses, que même les critiqueurs le constatent. Et qu'ils témoignent. Parce qu'il est écrit que votre lumière. Et cette écriture aussi est une lumière. Que tu as écrite pour nous. Votre lumière. Oui, ainsi devant les gens. S'ils voient vos bonnes choses. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Laisse qu'il en soit ici. Le Père qu'il en soit ici. Même pour toi qui te crois maudit. Même pour toi qui te crois malheureux. Même pour toi qui te crois désespéré. Ou qui te crois nié. Le Père qu'il en soit ici. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Mais j'ai l'intention de voir la lumière se manifester. Je veux voir le Fils de Dieu confirmé. Je veux voir la parole manifestée. Je veux voir les démonstrations surnaturelles. Les églises honoreront les châteaux. Moi je n'ai pas l'intention de commencer une église. Mais je veux voir la volonté de Dieu dans nos vies. Je veux voir l'écriture rendue manifeste. Que vous soyez des apôtres de Christ. Et l'une de tous les gens. Pour qu'il en soit ici. Je n'ai pas l'intention de commencer une vie. Moi aussi, n'ai pas l'intention de commencer une vie. Mais aspire à la volonté de Dieu. Comme il nous a appris dans Matthieu 6. Lorsque vous priez, voici comment vous devez dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté, sur la terre. Que ce soit fait partout la terre où je piétine moi. Partout où je passerai. Que sa volonté soit faite. Je veux vivre dans sa volonté. Je veux voir sa gloire encore. Et si ainsi je vais me glorifier. Ce sera dans le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit l'esprit de vérité. Béni soit Dieu vivant qui est amour. Il est un grand puissant. Moi je l'adore et je le bénère. Il mérite ça. Il est incomparable. Il est sans pareil. Ma grande puissance. Ma grande puissance. Faut aussi dire, il est ma grande puissance. Plus grand que les États-Unis d'Amérique. Plus grand que l'Allemagne. Plus grand que le Royaume-Uni. Plus grand que la France et la Belgique. Il est plus grand que la Russie. Il est plus grand que la Russie. De Poutine. La Poutine. Tous ces royaumes passeront. Non pas je me plaindrai de tout. Ou que je m'irmirerai beaucoup. L'Éternel est mon berger. Et je me lamenterai parfois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans tous les voyages jusqu'à ce qu'il a fait, la Bible dit que dans toutes les détresses, ils n'ont jamais manqué de secours. Il est le même Dieu que tu adores. Le Dieu que ta bouche confère. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de 8. Il est le même. Il est le Malachie 3-6. Il est le Dieu de 8. Il est Dieu immuable. Ma grande puissance. L'on n'a pas l'intention de commencer une église. Je n'ai pas l'intention de commencer une église. Mais je veux voir la parole manifestée. Je veux voir le Seigneur en action. Je veux voir les promesses de Dieu accomplies. Je veux voir sa puissance démontrée. Je veux voir les âmes nées de nouveau. Je veux voir les rachetés pardonnés. Je veux voir les prêtres déchargés. Je veux voir les esclaves délivrés. Les âmes sauvées. As-tu encore des doutes à son sujet? Non. Veux-tu encore douter de Dieu? Oh, grâce seulement. Alléluia. L'ange du Seigneur jubilé. Alléluia. La gloire du Seigneur se manifester parmi le peuple de Dieu. Que l'onction fraîche descendait du ciel vers les femmes consacrées. La participation de Dieu se faisait plus palpable et réelle. Des miracles s'opéraient dans l'église. Des problèmes impossibles étaient résolus. La colonne de feu est à l'église. Elle n'est pas allée dans la tombe de William Branham. La même colonne de feu est à l'église. Pour performer les miracles. Pour performer, montrer que Dieu est de plus en plus agréable. Il est de plus en plus efficace. Il devient de plus en plus merveilleux. Et toujours glorieux. Que ton âme croie. En sa grande puissance. Dieu de vérité. Pourquoi frère Branham n'avait pas l'intention de commencer une église? Oh, quelle situation, mes chers amis. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans le sermon, l'ange de Dieu. Est-ce que vous aimez entendre ces mots-là? Si on vous mettre même en condition. L'ange de Dieu. Amen. Il y a du miel dedans. Il y a des bonnes choses de l'autre côté. L'ange de Dieu. Prêché le 4 mars 1948. Plusieurs d'entre nous n'étaient pas encore nés. Mais Dieu existait déjà. Le message existait déjà. La commission de Branham était déjà là. Paragraphe 19. Tenez, l'autre soir, je ferais mieux de faire cette déclaration. C'était juste la semaine passée. Nous étions à Miami. C'est une ville des États-Unis. Miami. Et c'est vraiment une ville de confusion. Il y a toutes sortes de doctrines. Et tout qui envahissent le pays là-bas. Et quand, et en rentrant, j'essayais. On disait que les gens ne sortiraient pas. Mais ils l'ont fait. Ils sont venus à la réunion par milliers. Mais voici ce qui s'est passé. Un soir, au cours du service, il fallait nous dépêcher. Car nous avions eu plusieurs centaines à faire passer dans la ligne. Nous avons fait monter d'abord quelques sourds. C'est merveilleux ça. De minuit, je pense peut-être un aveugle. Les sourds de minuit, un aveugle dans la ligne de prière. Quelques œuvres comme cela qui avaient été accomplies. Donc, les sourds de minuit. Un aveugle dans la ligne. C'est Dieu qui est la grande puissance. Qui est le sponsor de son message. Qui est l'auteur de la parole de la vie. Qui a fait les promotions et les défenseurs. Il est passé en scène. Avec le Moussala. Et toutes ces œuvres comme cela se sont accomplies. De muet, on parlait. Le tour pluriel, on s'est entendu. Et l'aveugle a recouvré la vie. Tout ça a dit une soirée. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelque chose. Car il y avait tant de confusion parmi les églises. Parce que beaucoup de gens entraient dans ces villes et cassaient les églises. Et ils allaient commencer leur propre église. C'est difficile de faire comprendre aux gens que nous ne voulons pas commencer une église. Mes amis, ne nous jugez pas mal. Comprenons-nous correctement. Notre but, c'est pas de commencer une église. Non. Mais nous voulons voir le Dieu de la Bible vivant de nos jours. Alors au lieu de tant parler de l'église locale et des églises locales, parlons de lui qui vit éternellement. Réoccupons-nous de ses affaires. Alors, c'est difficile de faire comprendre aux gens. Nous ne voulons pas commencer une église. Nous essayons de notre mieux d'unir l'église. C'est dont nous avons besoin. Ne croyez-vous pas cela? Nous avons besoin de collaborer ensemble. Mais que le Dieu vivant se manifeste à nous. Qu'il sorte de l'histoire. Qu'il sorte de l'imaginaire. Qu'il entre dans les réalités. Dans nos réalités. Et dit ceci. Non, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Là, c'est prêché le 24 janvier 1962. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le frère Fuller, il est monté paragraphe 16. Il est monté là, il est monté à la chaire. Après mon départ. Et il a dit aux gens de me dire de venir le relayer dans son église. Sa femme et lui deviendraient des concierges. Et bien, c'était très gentil. Frère John Chari, avec son église. Ben, si je venais à Phoenix. Non. Je ne commencerai pas une église. Si je venais, même si je venais m'installer à Phoenix, je ne commencerai pas une église. Non. Ce n'est pas à moi. Vous voyez? Si vous commencez une église, vous êtes. Vous voyez? Ce n'est pas mon intention de commencer une église. À Miami, il ne voulait pas. À Phoenix, il ne voulait pas. Partout ailleurs, il n'avait pas l'intention. Mais si une église devenait, même à Jeffersonville, ça ne devait pas être l'intention de William Branham. D'ailleurs, Branham Tabernac n'était pas né de l'intention de William Branham. Vous connaissez l'histoire? Ce n'était pas son intention. À lui, Branham. Et ce n'était pas son intention. Ça ne doit pas être l'intention de l'homme. N'est-ce pas toi aussi? Nous restons dans la ligne de la vérité. N'ayez pas des intentions. Nous restons la volonté de Dieu. Nous mettons-nous à la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Car ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Frère, nos gardes. Amen. Réveiller nos motifs et nos objectifs. Prenons garde à ce que nous voulons faire. Prenons garde à nos voix. Cherchons les royaumes de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Chaque jour de notre vie. Êtes-vous là? Ce n'est pas mon intention de commencer une église. Mais c'est d'aider ce qui est déjà en cours. Et si je viens à Phoenix, je suis un missionnaire. Je suis ici et là dans le monde. Tout le temps. Si un pasteur m'invite, je viendrai l'aider un dimanche. Et le prochain dimanche, j'irai aider un autre. Un autre gars. Et le dimanche d'après, j'irai aider quelqu'un d'autre. Juste partout où je peux apporter ma contribution. Et préparer tout le monde. Vous voyez, toutes les dénominations et tout, à communier. Aimez-vous ceci? Est-ce que vous saisissez la vision? Ce n'est pas de commencer les églises. Mais nous sommes préoccupés par le Dieu vivant en action. Et de soutenir ce qui est déjà en cours. Écoutez, dans le Dieu immuable, le chef le 20 janvier 62, la même pensée radio par la 6. Je parlais donc à un frère ici aujourd'hui. Frère Charit, un précieux ami à nous. À nous tous. Et nous le connaissons tous. Bonne Charit. Bonne Charit. Un chic type. Et il a dit, je vous ai souvent entendu dire, vous viendrez vivre à l'ouest un jour. Et j'ai dit, oui, le dernier lien qui me retenait à l'est, ça n'est allé maintenant. C'était ma mère. Et il y a quelques jours, il est rentré à la maison pour être avec Jésus. Et la mère de mon épouse s'en est allée aussi. C'est donc vrai, nous sommes à la recherche d'un endroit où rester. Et s'il nous arrive d'atterrir dans les environs de Tucson, à Phoenix, et que le Seigneur nous conduise par ici, hein, je n'aurai jamais l'intention de commencer une église. Jamais. Même quand il y déménagerait, il s'est installé à Phoenix, selon la vision qu'il annonçait, aller vivre dans l'Ouest. Mais il n'aurait jamais l'intention. Il n'est pas comme certains d'entre nous prédicateurs aujourd'hui. Donc quand il y a un déplacement, ça veut dire qu'on doit commencer une église. Et on va coller ça à Dieu. Donc, tu commences ton œuvre et tu appelles ça l'œuvre de Dieu. Une œuvre qui provient de ta propre intention. Ensuite, tu vas appeler ça l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que la tromperie te poursuit. Religieuse. Bien aimé. Pour qu'une église naisse, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Mais ne dites jamais si les gens veulent ce que Dieu veut. Parce que si c'est le cas, alors les catholiques sont dans la volonté de Dieu. Les missions de l'église, toi, de tous, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que les gens viennent. C'est pas ce critère. Il faut la volonté de Dieu. C'est important, n'est-ce pas? Même si je venais d'installer cette personne à Félix, et que le Seigneur nous conduise par ici, je n'aurai jamais l'intention de commencer l'église. Je ne ferai pas cela. Je suis un missionnaire. Alors, un missionnaire ne veut pas dire créer des églises partout où vous installez. Lui était un missionnaire, mais il n'avait pas l'intention de commencer une église. Aujourd'hui, on aime être missionnaire en multipliant les assemblées. On en a ici, on en a là-bas. C'est ça être missionnaire. C'est du faux. Je suis un missionnaire. Et puis quand je viens, j'aime aller d'église en église. Dans une telle communion. Aller d'église en église. Mais profitant de la communion. Vérifions nos prédicateurs d'aujourd'hui. Ont-ils le même esprit? Je vous demande l'église. Est-ce que le même esprit qui était dans William Branham? Je vous voyais dans le milieu du message. Ils entrent dans la ville. Ils se mettent à casser telle église et telle église pour former leur propre église. Ça, c'est l'esprit qu'il y avait à Miami. C'est de l'esprit charnel. Êtes-vous là? Alors, pour rassurer tout le monde, en 1957, le 10 mars 1957, il a prêché le sermon intitulé Écoutez-les. Et il dit ceci. On parle de la 4. Et à vous les pasteurs, nous ne venons pas pour commencer une église. Pas du tout. Pendant que je suis ici, j'irai d'une église à une autre. Et ça, c'est prêché à Phoenix. Oui, à Terre, Phoenix. Dans la ville de Phoenix. Phoenix. Voyez ça. État d'Arizona. Arizona. Pendant que je suis ici, j'irai d'une église à une autre. Partout. Vous visitez tout le monde et priez pour eux. Et l'assemblée applaudit encore. Voilà le genre d'esprit et des choses que nous devons applaudir. Un esprit chrétien. De communion fraternelle. Pas un esprit de clan et de rivalité. Cherche simplement le royaume de Dieu. La volonté de Dieu. Êtes-vous là? Que le Seigneur t'éclaire. Hein? Nous terminons en lisant ici dans Jean chapitre 15. C'est merveilleux ça. Jean chapitre 15, verset 1 à 5, il est écrit ceci. Vous aimez toujours? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ngai nazali mouti na solo pe tata na ngai azali mobongisi etape na etape kati na ngai oyo ekobotaka mbumate ekolongolaka akolongolaka yango mpe etape na etape oyo ekobotaka mbuma akopetola yango ete ebota mbuma mosusu. Dieu est merveilleux. Le serment improductif est retranché. Il est venu se greffer, il est venu se mettre la main sur le collet. Mais il ne produit rien. Mais le serment qui produit. J'espère que c'est ton cas. C'est ce genre de serment. Auprès de Jésus-Christ. Mais qui a la vie. Et qui reproduit sa vie. Et qui osa reproduire ses œuvres. Et puis l'un d'eux. Amen. C'est mitigé. Tout cet arma qui ne produit rien là. Sache déjà ton sort. Le père qui est le vigneron. Décapité. Jetez loin. Il va sécher et sera brûlé. Christ a besoin de sa propre vie à nous. De sa vie dans les siens. Il veut se voir reproduit à nous. Il ne peut pas venir tourner autour du pot et parler de l'histoire. Mais nous devons le reproduire et le manifester. C'est celui qui me dit amen. Au moins, et comme il passe quelque part, que Dieu t'aide. Qui a envoyé ce sermon de ce soir ici. Que Dieu t'aide à saisir la pensée et l'inspiration. Hein? Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Est-ce que c'est vérifiable ce soir encore? Est-ce que c'est effectif là auprès de vous? Le soir dans l'auditoire où vous êtes ici. La même parole est-elle en action? Est-elle vérifiable? A-t-il une âme qui se sent purifiée? Il reconnaît que la Bible a raison. Nous ne prêchons pas en vain. C'est pour des résultats. Non pas attendre des mêmes des chambres. Ça y est. La mouka na pongi. La mouka. C'est la réalité. Nous voulons la parole manifestée. Elle est vivante et efficace. Oyoki lelo et sali effet lelo. Olobi amen lelo par résultat et bani lelo. Amen, amen, amen, amen, amen. Car c'est la parole de vie. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des croyants en un Dieu vivant. Nous allons pas la grande puissance. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous ne parlez pas de l'histoire qu'on raconte. Vous allez pas la réalité de ce soir. Vous allez pas seulement un peu quoi aller là pour réalité de nos vies. Ouais, Binobo Petolem, Fonani Lobali Siningaï, Kosolola Nabino. Demeurez à moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le charmant ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Vous mettez la kakati nangaï, pangaï kati nabino. Je suis le chef, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il le faut lui. Mouiti na solo bino bitape yo oumeli kati na ngai mukola ngai na oumeli kati na ye akobota mbuma mingi nzambi bokokita kosala kati kabolongwa na ngai te sa moi vous ne pouvez rien faire ngai te bokokoka na bino lokote il est pour lui à tout instant sengele te za bobele ye na tango à tout moment partout vraiment il est pour lui que Dieu bénisse ta parole les fonds pour la prière c'est indispensable la parole qui a la vie elle peut se manifester dans nos vies c'est vrai nous tenons debout Jésus-Christ est ma sagesse. Nous chantons ça avec ferveur. Il est mon tout en tout. Hosanna numéro 16. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il est un bon chemin. Je marche à ma faiblesse, ton départ, pas sur la main, le il est clair, mon chemin, il est clair, mon chemin, je marche à ma faiblesse, ton départ, pas sur la main. Oui, il est clair, mon chemin, il est clair, mon chemin, je marche à ma faiblesse, et ton départ, pas sur la main, Jésus-Christ est ma justice, dans sa haut, où je peux voir. Jésus-Christ mes sanctifiés. Rendez-vous est attaché. Je reçois des lumières et ma femme, j'ai des péchés. À toi j'ai à toi j'ai attaché à toi j'ai oh, à toi j'ai attaché agneau à toi j'ai attaché. Parlons-lui chacun. Ouvrons nos cœurs à lui, ayons la foi. La ferme conviction. Il écoute nos prières. Il répondra à nos prières. Il est le même chaque jour. Le bon berger. Ta grande puissance. Ta lumière éternelle. La domination qui ne passera pas. Prions chacun maintenant. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre valide n'a plus de terre. La mer comme soleil, je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, non. Jamais tout seul, et nous avec nous, jamais tout seul. Jésus, j'étais mon sauveur, garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais, non. Non. Jamais tout seul, elle est non, jamais non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, garde. Jamais, jamais tout seul. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi, notre grande puissance, tu es la lumière sur notre sentier. Ta parole est une lampe à nos pieds. Nous prions que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite là au ciel. Partout nous passerons, partout où nous serons, quoi que nous fassions, que ta volonté soit faite pour cette terre. Notre désir, c'est d'accomplir ta volonté. Notre volonté, Seigneur. Manifeste tes promesses. Manifeste-nous ta puissance. Fais rayonner ta gloire autour de nous. La gloire de la Shekinah. Le Dieu de Moïse. Qui est le Dieu de Paul. Qui est le Dieu de Branham. Le même Dieu des chrétiens. Dieu de ses croyants. Dieu du petit troupeau, lève ta main droite, confond les adversaires, confond les ennemis de la foi, pourchasse le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Exauce nos prières, pardonne nos péchés, lave-nous complètement, rends-nous plus blanc que la neige, pardonne nos iniquités, toute nos culpabilités. Lave-nous par le sang, le sang d'Emmanuel, Dieu devenu homme. Reste avec l'Église, jusqu'à nous revoir, exauce pour nos prières, donne gloire à ton nom Seigneur, engendre les âmes dans ton royaume, il y ait de vraies expériences de salut, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la restauration totale, le remplissage de l'Esprit d'Aaron, au nom de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte, conduis-nous Seigneur, reste avec chacun, au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions et nous prions. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et éternellement. Veuillez vous asseoir dans la paix.